Hola, buenos días. Bienvenue sur le podcast Binomad, l'émission consacrée à la présentation de nos binômes à travers le monde. Aujourd'hui, on vous emmène au Costa Rica pour rencontrer la Tika, notre binôme local. Salut la Tika, tu peux te présenter en quelques mots? Eh bien oui, absolument. Donc l'Attica, c'est moi, c'est comme cela que l'on appelle les Costariciens. Et vu que je suis installée dans ce pays depuis plus de 3 ans maintenant, ben, j'ai naturellement gagné ce surnom. Aujourd'hui, je suis installée dans une petite campagne du Costa Rica, entre la capitale San José et l'aéroport. C'est un lieu plutôt stratégique parce que comme ça me permet à la fois d'avoir ma vie quotidienne, ma vie de travail la semaine et pouvoir combiner avec toutes mes aventures, mes escapades le week-end. Et tu peux me dire quel est ton coup de cœur au Costa Rica? Alors mon coup de cœur au Costa Rica, c'est je dirais la taille du pays par rapport à la pluralité de choses qu'il a à offrir. C'est vrai que c'est un pays qui fait la taille de la Bretagne et pourtant il y a tellement de choses très différentes à faire. Il y a beaucoup de volcans, de parcs nationaux, on peut se balader sur la côte Caraïbe comme sur la côte Pacifique. Voilà, un tout petit pays mais qui a tellement de choses à offrir. En plus, en termes de biodiversité, c'est quand même incroyable. Il y a plus de 6% de la biodiversité mondiale que compte le Costa Rica. Donc on peut croiser des animaux partout et c'est pas uniquement que dans les parcs nationaux. Oh là là, ça fait tellement rêver. Et justement, en parlant de biodiversité, c'est quoi les animaux les plus fous que tu as rencontrés au Costa Rica? Les animaux les plus fous que j'ai rencontrés. Alors moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour le hara, cette couleur rouge vif, ce jaune, ce bleu, c'est vraiment un animal grandiose, je trouve. Après, les ratons laveurs aussi et leur technique d'aller un peu fouiller dans nos sacs, regarder la nourriture, très très malin comme animal, qui savent bien chasser. Et puis bon, le paresseux quand même, c'est le symbole du pays, mais c'est vrai que le paresseux, quand on le voit, c'est l'animal emblématique du Costa Rica et de le voir aussi fainéant, même une fois, une petite anecdote, j'ai eu 20 minutes de bouchon parce qu'il y avait un paresseux qui traversait la route pour rejoindre les Caraïbes et on a été 20 minutes bloqués pour attendre que ce paresseux traverse la route. Trop drôle. Et ouais, le paresseux est un paresseux, c'est pas un mythe. Et sinon, c'est quoi le truc qui t'a le plus surpris quand t'es arrivé au Costa Rica? Ce qui m'a le plus surpris, je dirais directement cet esprit de pura vida, qui qualifie bien le mode de vie costaricien. La vie est simple, pure, toujours très entourée de nature, bien entendu. La population est très pacifiste, solidaire, toujours prête à aider n'importe qui. Je sais que souvent je marche dans la rue et j'entends Buenos días sans connaître forcément la personne. Et je trouve que c'est un pays qui a de vraies valeurs humaines. Ouais, j'ai bien l'impression à t'entendre que la pura vida s'est bien adaptée au style de vie des binomades. D'ailleurs, il n'y a pas un spot, un hôtel, un espace de coworking ou une région en particulier que tu as visité dernièrement que tu pourrais recommander à un binomade? Alors oui, autant il est facile de trouver des logements pour quelques jours dans la plupart des étapes, mais autant je recommanderais justement d'aller fouiller un petit peu plus et d'essayer ce qu'on appelle les fincas, on va dire les fermes. C'est vraiment avec cet établissement de beaucoup de charme où on prend le temps d'échanger avec le propriétaire, où il nous fait le tour, où on découvre ses plantations. Et puis même le lendemain matin au petit déjeuner, au final, on se réveille et on retrouve la papaye de la veille dans sa marmelade du petit déjeuner. Et c'est ce genre de relation, ce genre de contact qui est intéressant et qui rend son expérience plus riche et plus authentique. Oh là là, ces histoires de papaye et de marmelade, là, ça m'en met l'eau à la bouche. Et dis-moi, pourquoi tu penses que le Costa Rica est une destination adaptée au travail nomade? Ben, le Costa Rica, c'est un pays quand même qui est assez développé. C'est un pays qui est sûr, extrêmement sécurisé, qui est adapté pour des familles, pour des entreprises, pour des personnes seules. Encore une fois, c'est un pays de petite taille. Donc, si on a des envies d'évasion, même en 15 jours, à partir de 15 jours, on peut avoir un très bel aperçu du pays, pouvoir bouger et changer de paysage presque tous les 2-3 jours, toujours en ayant une bonne connexion Wi-Fi, bien sûr. Et tu peux nous dire pourquoi tu as choisi d'être binôme Costa Rica? Binôme Costa Rica, ben, c'était tout naturel, bien sûr, parce que ben, voilà, ça fait plus de 3 ans que je vis au Costa Rica, et puis ben, j'ai déjà pu accompagner des amis ou même des familles avec des enfants, voire des enfants en bas âge, pour se rendre un certain temps au Costa Rica. Ben, c'est un pays où il fait bon vivre, et j'ai envie de partager justement mon expérience, ma passion pour ce pays. Mais par contre, c'est vrai que pour s'y installer dans une longue distance, eh ben, il faut avoir les bons conseils. Comme par exemple, trouver un logement, ce n'est pas aussi facile qu'en Europe. Donc c'est vrai qu'en tout cas, pour une installation de plus long terme ou de moyen terme, c'est bien d'avoir des petits conseils parce que l'Amérique latine est assez particulière et assez petites règles, en tout cas, pour pouvoir s'installer confortablement et pouvoir se sentir bien rapidement dans son quotidien sans se faire avoir par tous les côtés administratifs qui peuvent parfois un petit peu freiner une expatriation. Merci Latika. Un petit mot pour la fin peut-être avant qu'on se sépare? Eh bien, je dirais que j'entends beaucoup de personnes se dire aujourd'hui, oui, je prendrais bien quelques semaines de break, un endroit où je serais totalement dépaysée, envie de changer ma routine, j'irais bien profiter avec mes enfants de 2 mois dans un même pays pour faire rencontrer une autre culture ou bien apprendre une autre langue, par exemple. Et je trouve que c'est la force du voyage. Et aujourd'hui, il ne faut plus attendre simplement les vacances pour s'offrir ce genre de choses. Et en tant que binôme, eh ben, je serais vraiment ravie d'accompagner les binomades à faire cette escapade et à tenter l'aventure, vraiment. Alors, cette interview vous a donné envie de vivre la pura vida? Moi, oui, en tout cas. Si, comme moi, vous avez envie de tenter une expérience de travail nomade au Costa Rica, faites appel à votre binôme Latika en lui envoyant un mail à contact@bi-nomade.com. À très vite sur notre podcast et pura vida!